Et qui va se ramener à la fête? Je ramène les potes à la thèse. Et qui va se ramener à la fête? Je ramène les potes à la thèse. À ce qui paraît, gros, je suis buzzé, je vais les baiser. Je m'en rappelle au début de la banque. Beaucoup d'ingrats m'ont méprisé. J'ai jamais endurci ma poche, j'ai pas tendu le peurat pour rouler en fusée. Boug m'a dit laisse le pilon à 30. Faut que tu passes à la C, j'en parlais MMA. J'ai un cube 30K sur la toboque. Souli voulait pas pousser. Et j'ai beaucoup fait pour certains qui m'ont pas rendu. J'ai fait gratter, pas demander dû. Heureusement que le USAF sait faire des thunes. J'connais des rapides du Bronx, j'connais des rapides du bois de grâce. J'suis avec Tunsi au bout, j'ai dit j't'avais dit, t'as vu c'est des balles tringues. Cocktail de monnaie, violence, sexe, trop de célébrités, j'suis dans le Benz. Les pieds dans ma cité, j'ai ma hey hey hey. Cocktail de monnaie, violence, sexe, trop de célébrités, j'suis dans le Benz. Les pieds dans ma cité, j'ai ma. Et qui va s'amener à la fête? J'ramène les boîtes à la tête. À ce qui paraît, gros, j'suis buzzé, j'vais les baiser, gros, j'vais passer devant. Et qui va se ramener à la fête? J'ramène les boîtes à la tête. À ce qui paraît, gros, j'suis buzzé, j'vais les baiser, gros, j'vais passer devant. Et qui va se ramener à la fête? J'ramène les boîtes à la tête. À ce qui paraît, gros, j'suis buzzé, j'vais les baiser, gros, j'vais passer devant. Et qui va se ramener à la fête? J'ramène les boîtes à la tête. À ce qui paraît, gros, j'suis buzzé, j'vais les baiser, gros, j'vais passer devant. Tu te rappelles, c'était la zone, l'époque des vols. Je finis par ramener les kills. J'empilais la somme, mais ma mère sait que je fais des bêtises. En cachette, ils se moquaient, je pense. Maintenant, je fais des M, j'ai capté le truc. J'ai réduit la distance. J'allais au stud avec UF, je prenais le bus. Je suis avec Red Beef dans la 45S. Je fais marcher ma petite tête. Si les streams marchent, hop, je fais un terrain de zipette. Demande à 13, j'ai pas fini de les baiser. J'ai toujours donné quand j'ai démappé ça. À la coquine, elle veut que je divulgue le tarot de mes. Qui va se ramener à la fête? Je ramène des boîtes à la thèse. À ce qui paraît, gros, je suis buzzé, je vais les baiser, gros, je vais passer devant. Qui va se ramener à la fête? Je ramène des boîtes à la thèse. À ce qui paraît, gros, je suis buzzé, je vais les baiser, gros, je vais passer devant. Et qui va se ramener à la fête? Je ramène les boîtes à la thèse. À ce qui paraît, gros, je suis buzzé, je vais les baiser, gros, je vais passer devant. Et qui va se ramener à la fête? Je ramène les boîtes à la thèse. À ce qui paraît, gros, je suis buzzé, je vais les baiser, gros, je vais passer devant. Et qui va se ramener à la fête? Je ramène les boîtes à la thèse. À ce qui paraît, gros, je suis buzzé, je vais les baiser, gros, je vais passer devant. Et qui va se ramener à la fête? Je ramène les boîtes à la thèse. À ce qui paraît, gros, je suis buzzé, je vais les baiser, gros, je vais passer devant. J'ramène les boîtes à la thèse. Et qui va se ramener à la fête? J'ramène les boîtes à la thèse. À ce qui paraît, gros, je suis buzzé, je vais les baiser.